Première partie, livre 3, suite. Un voisin de la terre de Combourg était venu passer quelques jours au château avec sa femme, fort jolie. Je ne sais ce qui advint dans le village. On courut à l'une des fenêtres de la grande salle pour regarder. J'y arrivai le premier. L'étrangère se précipitait sur mes pas. Je voulus lui céder la place et je me tournai vers elle. Elle me barra involontairement le chemin. Et je me sentis pressé entre elle et la fenêtre, je ne sus plus ce qui se passa autour de moi. Dès ce moment, j'entrevis que d'aimer et d'être aimé d'une manière qui m'était inconnue devait être la félicité suprême. Si j'avais fait ce que font les autres hommes, j'aurais bientôt appris les peines et les plaisirs de la passion dont je portais le germe, mais tout prenait en moi un caractère extraordinaire. L'ardeur de mon imagination, ma timidité, la solitude firent qu'au lieu de me jeter au dehors, je me repliais sur moi-même. Faute d'objets réels, j'évoquais par la puissance de mes vagues désirs un fantôme qui ne me quitta plus. Je ne sais si l'histoire du cœur humain offre un autre exemple de cette nature. Je me composai donc une femme de toutes les femmes que j'avais vues. Elle avait la taille, les cheveux et le sourire de l'étrangère qui m'avait pressée contre son sein. Je lui donnai les yeux de telle jeune fille du village, la fraîcheur de telle autre, les portraits des grandes dames du temps de François Ier, de Henri IV et de Louis XIV, dont le salon était orné, m'avaient fourni d'autres traits, et j'avais dérobé des grâces jusqu'aux tableaux des vierges suspendus dans les églises. Cette charmeresse me suivait partout invisible, je m'entretenais avec elle comme avec un être réel, elle variait au gré de ma folie. Aphrodite sans voile, Diane vêtue d'azur et de rosée, Thalie au masque riant, Hébé à la coupe de la jeunesse, souvent elle devenait une fée qui me soumettait la nature. Sans cesse, je retouchais ma toile, j'enlevais un appât à ma beauté pour le remplacer par un autre, je changeais aussi ses parures, j'en empruntais à tout le pays, à tous les siècles, à tous les arts, à toutes les religions. Puis, quand j'avais fait un chef-d'œuvre, j'éparpillais de nouveau mes dessins et mes couleurs. Ma femme unique se transformait en une multitude de femmes dans lesquelles j'idolâtrais séparément les charmes que j'avais adorés réunis. Pygmalion fut moins amoureux que sa statue. Mon embarras était de plaire à la mienne. Ne me reconnaissant rien de ce qu'il fallait pour être aimé, je me prodiguais ce qui me manquait. Je montais à cheval comme Castor et Pollux. Je jouais de la lyre comme Apollon, Mars maniait ses armes avec moins de force et d'adresse. Héros de romans ou d'histoires, que d'aventures fictives j'entassais sur des fictions. Les ombres des filles de Morven, les sultanes de Bagdad et de Grenade, les châtelaines des vieux manoirs, bains, parfums, danses, délices de l'Asie, tout m'était approprié par une baguette magique. Voici venir une jeune reine, ornée de diamants et de fleurs. C'était toujours ma sylphide. Elle me cherche à minuit, au travers des jardins d'orangers, dans les galeries d'un palais baigné des flots de la mer, au rivage embaumé de Naples ou de Messine, sous un ciel d'amour que l'astre d'Endymion pénètre de sa lumière. Elle s'avance, statue animée de Praxitèle, au milieu des statues immobiles, des pâles tableaux et des fresques silencieusement blanchies par les rayons de la lune. Le bruit léger de sa course sur les mosaïques des marbres se mêle au murmure insensible de la vague. La jalousie royale nous environne. Je tombe aux genoux de la souveraine des campagnes d'Enna. Les ondes de soie de son diadème dénoué viennent caresser mon front lorsqu'elle penche sur mon visage sa tête de 16 années et que ses mains s'appuient sur mon sein palpitant de respect et de volupté. Au sortir de ses rêves, quand je me retrouvais un pauvre petit breton obscur, sans gloire, sans beauté, sans talent, qui n'attirait les regards de personne, qui passerait ignoré, qu'aucune femme n'aimerait jamais, le désespoir s'emparait de moi. Je n'osais plus lever les yeux sur l'image brillante que j'avais attachée à mes pas. Ce délire dura 2 années entières, pendant lesquelles les facultés de mon âme arrivèrent au plus haut point d'exaltation. Je parlais peu, je ne parlais plus, j'étudiais encore, je jetais là les livres, mon goût pour la solitude redoubla. J'avais tous les symptômes d'une passion violente, mes yeux se creusaient, je maigrissais, je ne dormais plus, j'étais distrait, triste, ardent, farouche. Mes jours s'écoulaient d'une manière sauvage, bizarre, insensée et pourtant pleine de délices. Au nord du château s'étendait une lande semée de pierres druidiques. J'allais m'asseoir sur une de ces pierres au soleil couchant, la cime dorée des bois, la splendeur de la terre, l'étoile du soir scintillant à travers les nuages de roses, me ramenaient à mes songes. J'aurais voulu jouir de ce spectacle avec l'idéal objet de mes désirs. Je suivais en pensée l'astre du jour, je lui donnais ma beauté à conduire, afin qu'il la présentât, radieuse avec lui, aux hommages de l'univers. Le vent du soir, qui brisait les réseaux tendus par l'insecte sur la pointe des herbes, l'alouette de bruyère qui se posait sur un caillou, me rappelait à la réalité. Je reprenais le chemin du manoir, le cœur serré, le visage abattu. Les jours d'orage, en été, je montais au haut de la grosse tour de l'ouest. Le roulement du tonnerre sous les combles du château, les torrents de pluie qui tombaient en grondant sur le toit pyramidal des tours, l'éclair qui sillonnait la nue et marquait d'une flamme électrique les girouettes d'airain excitaient mon enthousiasme. Comme Ismène, sur les remparts de Jérusalem, j'appelais la foudre, j'espérais qu'elle m'apporterait Armide. Le ciel était-il serein ? Je traversais le grand mail, autour duquel étaient des prairies divisées par des haies plantées de saules. J'avais établi un siège, comme un nid, dans un de ces saules. Là, isolé entre le ciel et la terre, je passais des heures avec les fauvettes. Ma nymphe était à mes côtés. J'associais également son image à la beauté de ces nuits de printemps, toutes remplies de la fraîcheur de la rosée, des soupirs du rossignol et du murmure des brises. D'autres fois, je suivais un chemin abandonné, une onde ornée de ses plantes rivulaires. J'écoutais les bruits qui sortent des lieux infréquentés. Je prêtais l'oreille à chaque arbre. Je croyais entendre la clarté de la lune chanter dans les bois. Je voulais redire ces plaisirs, et les paroles expiraient sur mes lèvres. Je ne sais comment je retrouvais encore ma déesse dans les accents d'une voix, dans les frémissements d'une harpe, dans les sons veloutés ou liquides d'un cor ou d'un harmonica. Il serait trop long de raconter les beaux voyages que je faisais avec ma fleur d'amour, comment, main en main, nous visitions les ruines célèbres, Venise, Rome, Athènes, Jérusalem, Memphis, Carthage, comment nous franchissions les mers, comment nous demandions le bonheur aux palmiers d'Otaïti, aux bosquets embaumés d'amboine et de tidor. Comment, au sommet de l'Himalaya, nous allions réveiller l'aurore? Comment nous descendions les fleuves saints dont les vagues épandues entourent les pagodes aux boules d'or? Comment nous dormions aux rives du Gange, tandis que le Bengali, perché sur le mât d'une nacelle de bambou, chantait sa barcarolle indienne? La terre et le ciel ne m'étaient plus rien, j'oubliais surtout le dernier. Mais si je ne lui adressais plus mes vœux, il écoutait la voix de ma secrète misère, car je souffrais, et les souffrances prient. Plus la saison était triste, plus elle était en rapport avec moi. Le temps des frimas, en rendant les communications moins faciles, isole les habitants des campagnes. On se sent mieux à l'abri des hommes. Un caractère moral s'attache aux scènes de l'automne, ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s'affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l'étang, et leur percher à l'entrée de la nuit sur les plus hauts chênes du grand mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les laits du vent gémissaient dans les mousses flétries, j'entrais en pleine possession des sympathies de ma nature. Rencontrais-je quelque laboureur au bout d'un guéret, je m'arrêtais pour regarder cet homme germé à l'ombre des épis parmi lesquels il devait être moissonné, et qui, retournant la terre de sa tombe avec le soc de la charrue, mêlait ses sueurs brûlantes aux pluies glacées de l'automne. Le sillon qu'il creusait était le monument destiné à lui survivre. Que faisait à cela mon élégante démone? Par sa magie, elle me transportait au bord du Nil, me montrait la pyramide égyptienne noyée dans le sable, comme un jour le sillon armoricain caché sous la bruyère. Je m'applaudissais d'avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaines. Le soir, je m'embarquais sur l'étang, conduisant seul mon bateau au milieu des joncs et des larges feuilles flottantes du nénuphar. Là se réunissaient les hirondelles, prêtes à quitter nos climats. Je ne perdais pas un seul de leurs gazouillis. Tavernier enfant était moins attentif au récit d'un voyageur. Elle se jouait sur l'eau au tomber du soleil, poursuivait les insectes, s'élançait ensemble dans les airs, comme pour éprouver leurs ailes, se rabattait à la surface du lac, puis se venait suspendre aux roseaux que leur poids courbait à peine et qu'elles remplissaient de leur ramage confus. La nuit descendait, les roseaux agitaient leurs champs de quenouilles et de glaives, parmi lesquels la caravane emplumée, poule d'eau, sarcelle, martin-pêcheur, bécassine se taisaient. Le lac battait ses bords, les grandes voix de l'automne sortaient des marais et des bois. J'échouais mon bateau au rivage et retournais au château. 10 heures sonnaient, à peine retiré dans ma chambre, ouvrant mes fenêtres, fixant mes regards au ciel, je commençais une incantation. Je montais avec ma magicienne sur les nuages, roulé dans ses cheveux et dans ses voiles. J'allais, au gré des tempêtes, agiter la cime des forêts, ébranler le sommet des montagnes ou tourbillonner sur les mers. Plongeant dans l'espace, descendant du trône de Dieu aux portes de l'abîme, les mondes étaient livrés à la puissance de mes amours. Au milieu du désordre des éléments, je mariais avec ivresse la pensée du danger à celle du plaisir. Les souffles de l'Aquilon ne m'apportaient que les soupirs de la volupté. Le murmure de la pluie m'invitait au sommeil sur le sein d'une femme. Les paroles que j'adressais à cette femme auraient rendu des sens à la vieillesse et réchauffé le marbre des tombeaux. Ignorant tout, sachant tout, à la fois vierge et amante, Ève innocente, Ève tombée, l'enchanteresse par qui me venait ma folie était un mélange de mystères et de passions. Je la plaçais sur un autel et je l'adorais. L'orgueil d'être aimée d'elle augmentait encore mon amour. Marchait-elle, je me prosternais pour être foulée sous ses pieds ou pour en baiser la trace. Je me troublais à son sourire, je tremblais au son de sa voix, je frémissais de désir si je touchais ce qu'elle avait touché. L'air exhalé de sa bouche humide pénétrait dans la moelle de mes os, coulait dans mes veines au lieu de sang. Un seul de ses regards m'y fait voler au bout de la terre. Quel désert ne m'eût suffi avec elle? À ses côtés, l'antre des lions se fut changé en palais, et des millions de siècles eussent été trop courts pour apaiser les feux dont je me sentais embrasé. À cette fureur se joignait une idolâtrie morale. Par un autre jeu de mon imagination, cette frinée qui m'enlaçait dans ses bras était aussi pour moi la gloire et surtout l'honneur, la vertu lorsqu'elle accomplit ses plus nobles sacrifices, le génie lorsqu'il enfante la pensée la plus rare, donnerait à peine une idée de cette autre sorte de bonheur. Je trouvais à la fois dans ma création merveilleuse toutes les blandisses des sens et toutes les jouissances de l'âme. Accablé et comme submergé de ces doubles délices, je ne savais plus quelle était ma véritable existence. J'étais homme et n'étais pas homme. Je devenais le nuage, le vent, le bruit. J'étais un pur esprit, un être aérien, chantant la souveraine félicité. Je me dépouillais de ma nature pour me fondre avec la fille de mes désirs, pour me transformer en elle, pour toucher plus intimement la beauté, pour être à la fois la passion reçue et donnée, l'amour et l'objet de l'amour. Tout à coup, frappé de ma folie, je me précipitais sur ma couche, je me roulais dans ma douleur, j'arrosais mon lit de larmes cuisantes que personne ne voyait et qui coulaient, misérables, pour un néant. Bientôt, ne pouvant plus rester dans ma tour, je descendais à travers les ténèbres, j'ouvrais furtivement la porte du perron comme un meurtrier, et j'allais errer dans le grand bois. Après avoir marché à l'aventure, agitant mes mains, embrassant les vents qui m'échappaient, ainsi que l'ombre, objet de mes poursuites, je m'appuyais contre le tronc d'un être. Je regardais les corbeaux que je faisais envoler d'un arbre pour se poser sur un autre, où la lune se traînant sur la cime dépouillée de la futaie, j'aurais voulu habiter ce monde mort qui réfléchissait la pâleur du sépulcre. Je ne sentais ni le froid, ni l'humidité de la nuit. La laine glaciale de l'aube ne m'aurait pas même tiré du fond de mes pensées, si à cette heure la cloche du village ne s'était fait entendre. Dans la plupart des villages de la Bretagne, c'est ordinairement à la pointe du jour que l'on sonne pour les trépassés. Cette sonnerie compose de trois notes répétées, un petit air monotone, mélancolique et champêtre. Rien ne convenait mieux à mon âme malade et blessée que d'être rendue aux tribulations de l'existence par la cloche qui en annonçait la fin. Je me représentais le pâtre expiré dans sa cabane inconnue, ensuite déposé dans un cimetière non moins ignoré. Qu'était-il venu faire sur la terre? Moi-même, que faisais-je dans ce monde? Note. Chaque tasse fait la même question au père Aubry. Homme prêtre, qu'es-tu venu faire dans ces forêts? Te sauver, dit le vieillard d'une voix terrible, dompter tes passions et t'empêcher, blasphémateur, d'attirer sur toi la colère céleste. Attala. Fin de note. Puisque enfin je devais passer, ne valait-il pas mieux partir à la fraîcheur du matin, arriver de bonne heure, que d'achever le voyage sous le poids et pendant la chaleur du jour? Le rouge du désir me montait au visage, l'idée de n'être plus me saisissait le cœur à la façon d'une joie subite. Au temps des erreurs de ma jeunesse, j'ai souvent souhaité ne pas survivre au bonheur. Il y avait dans le premier succès un degré de félicité qui me faisait aspirer à la destruction. De plus en plus garrotté à mon fantôme, ne pouvant jouir de ce qui n'existait pas, j'étais comme ces hommes mutilés qui rêvent des béatitudes pour eux insaisissables et qui se créent un songe dont les plaisirs égalent les tortures de l'enfer. J'avais en outre le pressentiment des misères de mes futures destinées. Ingénieux à me forcer des souffrances, je m'étais placé entre deux désespoirs. Quelquefois, je ne me croyais qu'un être nul, incapable de s'élever au-dessus du vulgaire. Quelquefois, il me semblait sentir en moi des qualités qui ne seraient jamais appréciées. Un secret instinct m'avertissait qu'en avançant dans le monde, je ne trouverais rien de ce que je cherchais. Tout nourrissait l'amertume de mes goûts. Lucille était malheureuse, ma mère ne me consolait pas, mon père me faisait éprouver les affres de la vie. Sa morosité augmentait avec l'âge. La vieillesse roidissait son âme comme son corps. Il m'épiait sans cesse pour me gourmander. Lorsque je revenais de mes courses sauvages et que je l'apercevais, assis sur le perron, on m'aurait plutôt tué que de me faire rentrer au château. Ce n'était néanmoins que différer mon supplice. Obligé de paraître au souper, je m'asseyais tout interdit sur le coin de ma chaise, mes joues battues de la pluie, ma chevelure en désordre. Sous les regards de mon père, je demeurais immobile et la sueur couvrait mon front. La dernière lueur de la raison m'échappa. Me voici arrivé à un moment où j'ai besoin de quelque force pour confesser ma faiblesse. L'homme qui attend à ses jours montre moins la vigueur de son âme que la défaillance de sa nature. Je possédais un fusil de chasse dont la détente usée partait souvent au repos. Je chargeai ce fusil de 3 balles et je me rendis dans un endroit écarté du grand mail. J'armai le fusil, introduisis le bout du canon dans ma bouche, je frappai la crosse contre terre. Je réitérai plusieurs fois l'épreuve, le coup ne partit pas. L'apparition d'un garde suspendit ma résolution. Fataliste, sans le vouloir et sans le savoir, je supposais que mon heure n'était pas arrivée, et je remis à un autre jour l'exécution de mon projet. Si je m'étais tué, tout ce que j'ai été s'ensevelissait avec moi. On ne saurait rien de l'histoire qui m'aurait conduit à ma catastrophe. J'aurais grossi la foule des infortunés sans nom. Je ne me serais pas fait suivre à la trace de mes chagrins, comme un blessé à la trace de son sang. Ceux qui seraient troublés par ces peintures et tentés d'imiter ces folies, ceux qui s'attacheraient à ma mémoire par mes chimères, se doivent souvenir qu'ils n'entendent que la voix d'un mort. Lecteur que je ne connaîtrai jamais, rien n'est demeuré. Il ne reste de moi que ce que je suis entre les mains du Dieu vivant qui m'a jugé. Une maladie, fruit de cette vie désordonnée, mis fin aux tourments par qui m'arrivèrent les premières inspirations de la muse et les premières attaques des passions. Ces passions dont mon âme était surmenée, ces passions vagues encore, ressemblaient aux tempêtes de mer qui affluent de tous les points de l'horizon. Pilote sans expérience, je ne savais de quel côté présenter la voile à des vents indécis. Ma poitrine se gonfla, la fièvre me saisit. On envoya chercher à Bazouges, petite ville éloignée de Combourg de 5 ou 6 lieues, un excellent médecin nommé Cheftel, dont le fils a joué un rôle dans l'affaire du marquis de la Rouërie. Note. À mesure que j'avance dans la vie, je retrouve des personnages de mes mémoires. La veuve du fils du médecin Cheftel vient d'être reçue à l'infirmerie de Marie-Thérèse. C'est un témoin de plus de ma véracité. Note de Paris, 1834. Chateaubriand. Fin de note. Il m'examina attentivement, ordonna des remèdes et déclara qu'il était surtout nécessaire de m'arracher à mon genre de vie. Je fus 6 semaines en péril. Ma mère vint un matin s'asseoir au bord de mon lit et me dit « Il est temps de vous décider. Votre frère est à même de vous obtenir un bénéfice. Mais avant d'entrer au séminaire, il faut vous bien consulter, car si je désire que vous embrassiez l'état ecclésiastique, j'aime encore mieux vous voir homme du monde que prêtre scandaleux. » D'après ce qu'on vient de lire, on peut juger si la proposition de ma pieuse mère tombait à propos. Dans les événements majeurs de ma vie, j'ai toujours su promptement ce que je devais éviter. Un mouvement d'honneur me pousse. Abbé, je me parus ridicule. Évêque, la majesté du sacerdoce m'imposait, et je reculais avec respect devant l'autel. Ferais-je comme évêque des efforts afin d'acquérir des vertus, ou me contenterais-je de cacher mes vices? Je me sentais trop faible pour le premier parti, trop franc pour le second. Ceux qui me traitent d'hypocrite et d'ambitieux me connaissent peu. Je ne réussirai jamais dans le monde précisément parce qu'il me manque une passion et un vice, l'ambition et l'hypocrisie. La première serait tout au plus chez moi de l'amour-propre piqué. Je pourrais désirer quelquefois être ministre ou roi pour me rire de mes ennemis. Mais au bout de 24 heures, je jetterais mon portefeuille et ma couronne par la fenêtre. Je dis donc à ma mère que je n'étais pas assez fortement appelé à l'état ecclésiastique. Je variais pour la seconde fois dans mes projets. Je n'avais point voulu me faire marin. Je ne voulais plus être prêtre. Restait la carrière militaire. Je l'aimais. Mais comment supporter la perte de mon indépendance et la contrainte de la discipline européenne? Je m'avisais d'une chose saugrenue. Je déclarais que j'irais au Canada défricher des forêts ou aux Indes chercher du service dans les armées des princes de ce pays. Par un de ces contrastes qu'on remarque chez tous les hommes, mon père, si raisonnable d'ailleurs, n'était jamais trop choqué d'un projet aventureux. Il gronda ma mère de mes tergiversations, mais il se décida à me faire passer aux Indes. On m'envoya à Saint-Malo, on y préparait un armement pour Pondichéry. 2 mois s'écoulèrent, je me retrouvai seul dans mon île maternelle, la Villeneuve y venait de mourir. En allant la pleurer au bord du livide et pauvre où elle expira, j'aperçus le petit chariot d'osier dans lequel j'avais appris à me tenir debout sur ce triste globe. Je me représentais ma vieille bonne, attachant, du fond de sa couche, ses regards affaiblis sur cette corbeille roulante. Ce premier monument de ma vie, en face du dernier monument de la vie de ma seconde mère. L'idée des souhaits de bonheur que la bonne Villeneuve adressait au ciel pour son nourrisson, en quittant le monde, cette preuve d'un attachement si constant, si désintéressé, si pur, me brisait le cœur de tendresse, de regrets et de reconnaissance. Du reste, rien de mon passé à Saint-Malo. Dans le port, je cherchais en vain les navires aux cordes desquels je me jouais. Ils étaient partis ou dépecés. Dans la ville, l'hôtel où j'étais né avait été transformé en auberge. Je touchais presque à mon berceau, et déjà tout un monde s'était écroulé. Étranger au lieu de mon enfance, en me rencontrant, on demandait qui j'étais, par l'unique raison que ma tête s'élevait de quelques lignes de plus, au-dessus du sol vers lequel elle s'inclinera de nouveau, dans peu d'années. Combien rapidement et que de fois nous changeons d'existence et de chimère. Des amis nous quittent, d'autres leur succèdent. Nos liaisons varient. Il y a toujours un temps où nous ne possédions rien de ce que nous possédons. un temps où nous n'avons rien de ce que nous eûmes. L'homme n'a pas une seule et même vie, il en a plusieurs mises bout à bout, et c'est sa misère. Désormais sans compagnon, j'explorais la reine qui vit mes châteaux de sable, Campo subit roya fuit. Je marchais sur la plage, désertée de la mer. Les grèves abandonnées du flux m'offraient l'image de ces espaces désolés que les illusions laissent autour de nous lorsqu'elles se retirent. Mon compatriote, Abélard, regardait comme moi ces flots, il y a 800 ans, avec le souvenir de son Héloïse. Comme moi, il voyait fuir quelques vaisseaux, ad horizontis fundas, et son oreille était bercée ainsi que la mienne de l'unissonance des vagues. Je m'exposais au brisement de la lame en me livrant aux imaginations funestes que j'avais apportées des bois de Combourg. Un cap, nommé Lavarde, servait de terme à mes courses. Assis sur la pointe de ce cap, dans les pensées les plus amères, je me souvenais que ces mêmes rochers servaient à cacher mon enfance, à l'époque des fêtes. J'y dévorais mes larmes, et mes camarades s'enivraient de joie. Je ne me sentais ni plus aimé, ni plus heureux. Bientôt j'allais quitter ma patrie pour émietter mes jours en divers climats. Ces réflexions me navraient à mort, et j'étais tenté de me laisser tomber dans les flots. Une lettre me rappelle à Combourg. J'arrive, je soupe avec ma famille. Monsieur mon père ne me dit pas un mot. Ma mère soupire. Lucille paraît consternée. À 10 heures, on se retire. J'interroge ma sœur, elle ne savait rien. Le lendemain, à 8 heures du matin, on m'envoie chercher. Je descends. Mon père m'attendait dans son cabinet. « Monsieur le chevalier, me dit-il, il faut renoncer à vos folies. Votre frère a obtenu pour vous un brevet de sous-lieutenant au régiment de Navarre. Vous allez partir pour Rennes, et de là pour Cambrai. Voilà 100 louis, ménagez-les. Je suis vieux et malade, je n'ai pas longtemps à vivre. Conduisez-vous en homme de bien et ne déshonorez jamais votre nom. » Il m'embrassa. Je sentis ce visage ridé et sévère se presser avec émotion contre le mien. C'était pour moi le dernier embrassement paternel. Le comte de Chateaubriand, homme redoutable à mes yeux, ne me parut dans ce moment que le père le plus digne de ma tendresse. Je me jetai sur sa main décharnée et pleurai. Il commençait d'être attaqué d'une paralysie. Elle le conduisit au tombeau. Son bras gauche avait un mouvement convulsif qu'il était obligé de contenir avec sa main droite. Ce fut en retenant ainsi son bras, et après m'avoir remis sa vieille épée, que, sans me donner le temps de me reconnaître, il me conduisit au cabriolet qui m'attendait dans la cour verte. Il m'y fit monter devant lui. Le postillon partit, tandis que je saluais des yeux ma mère et ma sœur qui fondaient en larmes sur le perron. Je remontai la chaussée de l'étang. Je vis les roseaux de mes hirondelles, le ruisseau du moulin et la prairie. Je jetai un regard sur le château. Alors, comme Adam après son péché, je m'avançai sur la terre inconnue. Le monde était tout devant moi. And the world was all before him. Depuis cette époque, je n'ai revu Combourg que 3 fois. Après la mort de mon père, nous nous y trouvâmes en deuil pour partager notre héritage et nous dire adieu. Une autre fois, j'accompagnais ma mère à Combourg, elle s'occupait de l'ameublement du château. Elle attendait mon frère qui devait amener ma belle-sœur en Bretagne. Mon frère ne vint point, il eut bientôt avec sa jeune épouse, de la main du bourreau, un autre chevet que l'oreiller préparé des mains de ma mère. Enfin, je traversai une 3e fois Combourg en allant m'embarquer à Saint-Malo pour l'Amérique. Le château était abandonné, je fus obligé de descendre chez le régisseur. Lorsque, en errant dans le grand mail, j'aperçus du fond d'une allée obscure le perron désert, la porte et les fenêtres fermées, je me trouvai mal. Je regagnai avec peine le village, j'envoyai chercher mes chevaux et je partis au milieu de la nuit. Après 15 années d'absence, avant de quitter de nouveau la France et de passer en Terre Sainte, je courus embrasser, à Fougères, ce qui me restait de ma famille. Je n'eus pas le courage d'entreprendre le pèlerinage des champs où la plus vive partie de mon existence fut attachée. C'est dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis, que j'ai commencé à sentir la première atteinte de cet ennui que j'ai traîné toute ma vie, de cette tristesse qui a fait mon tourment et ma félicité. Là, j'ai cherché un cœur qui pût entendre le mien. Là, j'ai vu se réunir puis se disperser ma famille. Mon père y rêva son nom rétabli, la fortune de sa maison renouvelée. Autre chimère que le temps et les révolutions ont dissipée. De 6 enfants que nous étions, nous ne restons plus que 3. Mon frère, Julie et Lucille ne sont plus. Ma mère est morte de douleur. Les cendres de mon père ont été arrachées de son tombeau. Si mes ouvrages me survivent, si je dois laisser un nom, peut-être un jour, guidé par ses mémoires, quelque voyageur viendra visiter les lieux que j'ai peints. Il pourra reconnaître le château, mais il cherchera vainement le grand bois. Le berceau de mes songes a disparu comme ses songes. Demeuré seul, debout sur son rocher, l'antique donjon pleure les chênes, vieux compagnon qui l'environnait et le protégeait contre la tempête. Isolé comme lui, j'ai vu comme lui tomber autour de moi la famille qui embellissait mes jours et me prêtait son abri. Heureusement, ma vie n'est pas bâtie sur la terre aussi solidement que les tours où j'ai passé ma jeunesse. Et l'homme résiste moins aux orages que les monuments élevés par ses mains. Fin du livre 3.